matricule est 267. Mon devoir est de protéger mes maîtres. Je suis tombée lors d'un combat entre les humains et les machines. Mes restes sont au beau milieu d'une plaine. Regarde, il y a des lumières qui s'allument. Ça fait quoi si j'appuie là? C'est pas un bouton, ça marche pas. Bliblou, bliblou. Ah, c'était un bouillon finalement. Les vieux, ils ont dit que les anciens ont dit que par le vieux, il fallait pas aller dans ce coin-là, hein, parce qu'il y avait des trucs dangereux ici, mais. Une boîte qui part toute seule, tu penses que c'est dangereux? Je ne suis pas qu'une boîte, je suis une conscience. Une boîte qui parle, ouais. Une conscience! Une boîte qui parle qui dit qu'elle s'appelle conscience. Non, je suis une conscience et je m'appelle Léo. Une boîte qui s'appelle conscience matricule. Et qui s'appelle Léo et qui s'appelle matricule de trucs. Je suis matricule de 267. Mon devoir est de protéger mes concepteurs. Et qui c'est tes concepteurs? C'est quoi un concepteur? Tu sais, toi? Tu sais ce que c'est un concept, déjà? C'est un truc de vieux, ça. Donc il doit protéger ses vieux? Non, je dois... Le vieux nous observe par Zezuki, le petit seigneur. Tu veux dire qu'il devrait protéger le vieux? J'ai pas entendu parler d'artefacts qui protégeraient... peut-être qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Je suis pas qu'un artefact. J'étais une machine, autrefois. J'étais une? C'est bizarre comme mot. Ce n'est pas un mot. C'est une phrase. J'étais une. Elle est bizarre, hein? La machine, elle fait des fautes de mots. Elle met pas les mots dans le bon ordre. Si, c'est vous qui faites des fautes. M'arrive souvent de faire des bêtises, mais j'ai dû faire une faute en touchant cette chose. Tu n'es pas mon maître, tu vas pas me guider. On n'aurait pas dû toucher au bouton. On le laisse dans la boue, hein? Attends, il y a un bouton rouge, ça fait quoi si on appuie dessus? Ah, peut-être que ça va tout fumer partout. On appuie? Et comme ça, on n'aura pas fait de faute. Personne n'y saura. Ne touche pas, humain. On n'est pas des humains, on est des gamins d'abord. Humains. Non, on est des ennemis. Gamins, on t'a dit. Ennemis. Partez. Ben non, on est des gamins. Vous êtes des vous êtes mes ennemis. Vous êtes les amis de mes ennemis. Partez. Ah bon, c'est qui les ennemis de tes concepteurs? Ce sont ceux qui ont fait la guerre contre les hommes. Bah, ce qui fait la guerre contre les hommes, c'est les Orla. Mais les concepteurs, je connais pas. Pas les concepteurs, les concepteurs. Ouais, c'est la même chose. Bah, moi, tes concept-tueurs, j'en ai pas vu. Concepteurs. Ouais, on n'a pas vu. Pas de concept-tueurs par ici, il y a juste... Vous avez de la chance que je ne suis... Des corbeaux qui mangent les graines, et s'ils mangent toutes les graines, eh ben, on n'aura plus rien à bouffer. C'est peut-être ça, les concept-tueurs. Emma. Les concept-tueurs, c'est des corbeaux? Non. Ce sont des humains. Et vous faites la guerre contre les humains? C'est quoi vos concepteurs? Des Orlas? Non. Je faisais la guerre contre certains humains. D'autres étaient bons. Bons comme le bon pain? Bah, moi j'en connais une qui est bonne comme le bon pain. Comment vous appelez-vous? Bah, si je te dis mon nom, tu vas savoir trop de choses sur moi, tu vas m'aravouter après. Non, c'est pas si je peux te dire ton nom. Je ne vais pas te maravouter comme tu dis. Bah, t'es déjà un. Je voudrais juste savoir ton nom. Un concept tueur de Orla. Alors, on sait pas ce que. Je ne suis pas un concept tueur d'Orla comme tu dis. Bah, pourtant, comme ça, tu t'es présenté. Je suis Léo, matricule 267. Si on appuie sur le bouton rouge, tu crois qu'il parle mieux? Ouais, je sais pas, hein, ça a l'air tout... Ne touchez tout pas rouillé, à ce bouton. Truc. Alors, à quoi on doit tousser? À rien. On te laisse là dans la boue, alors? Non. Pourquoi je te tueur? Non, prenez et la boîte sans toucher au bouton. Et qu'est-ce qu'on fait de la boîte? On la mange? Non, c'est moi. Ça ne vaut pas être bon, hein. Je sais pas, ça pourra peut-être réagir la boîte. Si vous mangez, vous ça serez tout maravouté. Hein, je pense que si on donne 2-3 coups de ça silex, commence, ça tombe. Et on va en manger des morceaux. On pourra en manger des morceaux, hein. Si et vous mangez rigolo, quoi que ce soit, vous serez maravouté, comme vous dites. Maravouté parce qu'on aura tenté de te manger? Oui, exactement. Bah, on n'a qu'à appuyer sur le bouton rouge alors? Non. Ne touche à rien, petit homme. Je suis pas un petit homme, je suis un gamin. On te l'a déjà dit. Tu es un humain. Non, un gamin. Et tu es l'ami des concepteurs. Ah bon? Oui. Tu es un ami des concepteurs? C'est nouveau. Concepteur. Ça concepteur? Concepteur. Concepteur. Concepteur. C'est pas crossé, c'est pas référencé. Moi, ils m'en ont pas parlé, hein. C'est pas un crossé, ça. Qu'est-ce que t'en sais? As-tu une aussi bonne mémoire que les machines? Bah, ma mémoire, elle est parfaite, et puis quand j'oublie, eh ben, je pose l'erreur la question. Est humaine, comme disaient les Romains. C'est qui les Romains? C'est quoi? C'est vos c'est ancêtres. Non, c'était vos ancêtres. Bah... Des super vieux? Des super vieux, comme vous dites. Vos ancêtres. Ça existe? Ils n'existent plus. Ils sont morts. Bah oui, c'est des vieux. Les vieux, ils meurent. Mais des super vieux, ça ressemblera ils à quoi? Ils sont morts après une guerre. Une guerre? Tu parles tout le temps de guerre. Moi, j'aime pas la guerre. Déjà qu'on doit aller fouiller dans la petit terre homme. Pour trouver à manger. Bah moi, j'aime pas la guerre. Parce que la guerre, ça fait mal. Bah, vous me posez des questions dessus, je vous y réponds. Mais on n'aime pas la guerre. Mais on n'aime pas la guerre, nous on veut pas la guerre. Bah, pourquoi vous me posez des questions sur ça? On te pose des questions sur les super vieux, pas sur la guerre. ils font partie de la guerre. Attends, tous les super vieux faisaient la guerre? Beaucoup faisaient la guerre. Mais dans ça, c'est quoi un super vieux qui fait pas la guerre? C'est un ancêtre. Et tu nous as dit qu'un ancêtre était un super vieux? C'est un ancêtre qui fait la paix. D'accord, donc c'est un super vieux qui fait la paix. Jusque-là, j'aurais saisi, mais c'est quoi par rapport à un vieux? Et toi, qu'est-ce que t'étais en fait? Sinon, une boîte qui raconte des histoires? J'étais une machine qui avait comme devoir de protéger les concepteurs. Il y a des T partout hein, dans ces phrases. Ça doit être une marque de fabrique Orla, ça. Tu crois que c'est de la langue putride? Peut-être. Ça expliquerait tous les trucs qu'on ne comprendrait pas. Veuillez vous taire. Vous me posez une question. Écoutez. J'étais une machine qui protégeait les concepteurs. Encore ces concepts tueurs. Ils sont partout. C'est ceux qui m'ont construit. Alors t'es construit. T'es... Je suis une machine. Si t'es construit, c'est-à-dire qu'on peut te démonter. Non, j'ai déjà été démonté. Peut-être qu'on pourrait négocier des pièces de la machine à Little O. Là-bas, ils ont plein de trucs bizarres. Je vous dis que mon corps est dans une plaine. Oui, mais tu es une boîte qui a été construite. Non, je suis un robot qui a été construit. Tu as été construit, donc tu as des pièces. Oui, et vous ne me vendez pas, sinon vous aurez affaire à l'esprit de la mécanique. L'esprit d'une boîte? Ça devrait aller, non? Et puis au pire, il attaquera Little Hawk, non? On peut aller leur vendre. C'est une boîte qui raconte des histoires. Je ne suis pas une boîte qui raconte des histoires. Je suis une conscience. Je suis une boîte qui raconte des histoires. Je suis une machine. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Albert. Quel est ton âge? Ce que c'est, moi. Ça fait au moins mes deux mains que je suis sur le monde. Tu as donc 10 ans, car les humains ont 10 doigts et 2 mains. Ah non, pardon, une erreur. 5 doigts. Et vous avez 2 mains. 5 plus 5 est égal à 10. Oui, mais si tu dis que 5 et qu'on aurait 5 doigts et que ça fait 10, on t'a dit que c'est plus que les doigts d'une main. Du coup, ce serait pas 10. Non, il a dit que ça se comptait sur les 2 mains. Son âge se comptait sur les 2 mains. Ça veut dire qu'il a 10 ans. Mais j'entends rien. Malentendu. Pouvez-vous appuyer sur le bouton vert? Il n'y a que des voyants. Enfin, pourquoi j'appelle ça voyant? Des lumières. Il y a un bouton tu vert. Tu crois que si on appuie sur la lumière, ça brûle? Je vous déconseille de faire ça, gamin. Électrochoc activé. ไคปรำตำระปองไคปราตึงละตึงแอดไคปะเรเรเติน ไคปะทำปองปอง ไคฉันระหัง ระหังไคเจนระเงิดระเง ย Veuillez vous taire, petit homme. C'est quoi un petit homme? C'est toi. T'es bizarre la boîte. Moins que vous, humain. Hai pa re re tet Hai pam ham pur pong Hai chan narahan narahan Hai jen narangat rangai Aimez-vous cette musique? Albert de Mayotte, dans une pièce de tissu élimé, la boîte, il la place loin devant lui, comme si elle allait à nouveau réagir agressivement. Il est un peu inquiet, mais en même temps il est désireux de voir ce que pourront en dire ces gens bizarres qui vivent au-delà du champ, au-delà de la rizière dans laquelle il patauge depuis quelque temps avec son ami. Ils sont tous à la tâche les jours durant. Toujours à l'ouvrage. Et on dit qu'ils ont un empire sur les artefacts du temps jadis. Ils parlent bizarrement, tout comme la boîte parle étrangement. Peut-être que là, sur la berge, où la barge vient déposer les travailleurs quotidiennement, nous trouverons une personne que la boîte intéressera, la boîte l'eau. La boîte l'eau. La boîte l'eau. Hé, monsieur, tu peux t'arrêter un peu? Regarde, on a trouvé ça. Dans la boue, plus loin, et ça pourrait peut-être t'intéresser. Bah ouais, ça t'intéresse, dit monsieur. C'est une boîte qui parle et qui fait de la lumière. Moi, je suis qu'un. C'est l'heure de se lever. On t'a pas menti, elle parle. T'as vu? Tout comme on a dit. Allez-vous-en, les gamins, j'ai affaire. Mais elle t'intéresse pas? Attendez, monsieur. Laissez-moi vous scanner. C'est vu. Ah oui, c'est vrai, je ne peux plus scanner. Là-bas, regarde. Il y a un massin tout rouillé. Ça se trouve, ça vient de là. Peut-être. Peut-être qu'il y a d'autres parties. Ça y est, je me souviens. De l'eau. Je me souviens. Dernièrement, avant que je tombe, j'ai protégé une amie se nommant Petite. Je l'ai protégée de quelqu'un qui pointait une arme sur Petite. Je me suis mis devant cette personne et j'ai ordonné à cet homme de lâcher cette arme. Il ne l'a pas fait, il a tiré et je suis tombée. C'est bien étrange ce que tu racontes. Et Petite avait pris mon disque dur. M'a enregistré dans le disque dur et elle m'a caché. Je lui ai demandé d'être très sage. Elle m'a dit d'accord, mais toi fais très attention. Je reviendrai bientôt avec des pièces. détachée. Et ça fait bientôt 3 ans qu'elle n'est pas revenue. Question comme... Comment sais-tu qu'il s'est écoulé exactement 3 ans? Je les ai comptés. Tu étais allumé tout ce temps? Oui. Tout le temps qui passait? Oui. C'était pas... frustrant? Non. C'était la seule chose que je pouvais faire. Et toi, en appuyant sur le bouton, tu as réparé mon oui. En appuyant sur le bouton, tu m'as réparé. Mais pour elle, il fallait appuyer sur le bouton. Parce que mon oui était désactivé. Et tu as appuyé sur le bouton, ce donc qui activait. Si je rappuie sur le bouton, tu ne m'entends plus, c'est ça? Exactement. Ne touche pas au bouton. Il faut appuyer une fois pour me désactiver le oui, et pas deux. Oui, mais si j'appuie une fois, puis une autre, ça te désactive, puis te réactive. Oui, c'est ça, tu as compris. Du coup... C'est rigolo. Bon, j'arrête de t'embêter. C'est ça ton corps? Non. Ce truc tout rouillé là? Non, il était pas là. C'était dans la plaine. Celui-ci était celui de matricule de Pierre, matricule 268. Son devoir était d'aider les pêcheurs à pêcher. Et qui s'en occupe? Alors, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui disparaissent et qui reviennent pas sur la barre. C'est pour ça qu'ils sont inquiets. C'est pour ça qu'on sait jamais s'il y aura un voisin. C'est parce que ton copain, il fonctionne plus. Oui, il aidait les gens à passer. Et on peut pas le réparer, ton copain? Il faut pas juste appuyer sur un bouton, comme pour toi? Non, sa conscience a coulé dans l'eau. Elle s'est cassée. Arrête, ça ne marche plus. Il n'y a plus de courant. Bah si, il y a du courant, regarde. Courant. Courant électrique, je parle. Pas de courant aquatique. Courant aquatique, c'est courant de l'eau. Si on te place sur la carcasse, tu pourrais le remplacer. Je ne peux pas remplacer son devoir. Mon code a été bien écrit. Je ne peux pas changer ce code. Ce n'est que Petite qui peut changer le code. Si la Petite qu'on connaît, mais c'est pas possible. Petite, elle est toute vieille. C'est une grand-mère. Elle est plus vieille que le vieux. Ce n'est pas possible. C'est peut-être l'une des ancêtres, vu que c'est des super vieux. Ce n'est pas possible. Non, pas possible. Il n'a pas pu... m'éteindre. Moi, je dis qu'on devrait aller voir plus loin. Peux-tu appuyer sur le bouton rouge? Là où il y a la... Comment t'appelles-tu? Tess. Je m'appelle Tess. Quel est ton âge? Le même que... Que ton ami? Oui. Je ne connais plus mon âge. Peux-tu appuyer sur le bouton rouge? Mais tu nous as engueulé juste avant comme quoi on n'avait pas y touché. S'il te plaît, appuie dessus. Il se passera quoi si j'appuie dessus? Si on appuie dessus, tu vas être comme le robot qui aidait et protégeait l'épaisseur. Non. J'ai besoin de souvenirs. Appuie sur le bouton rouge. Que fait le bouton rouge? Tu le comprendras si tu appuies dessus. Tu me balances pas de décharge, hein? Non. Romy? Oui. La dernière fois, je t'avais prévenu. Et là, est-ce que j'ai prévenu? Non, il n'y a pas de décharge. Clic. Ça fait 20 ans que j'ai... Je n'avais plus de batterie. Vous m'avez rechargé. Et 3 ans s'est écoulé. Du coup, ça fait 23 ans que Petite m'avait dit ça. Elle a dû oublier. Partons vers les plaines, s'il vous plaît. Moi, je crois qu'il faut aller se trouver Petite et celui qui l'accompagne. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Tu savais si Petite était avec quelqu'un quand tu la connaissais? C'est très bizarre comme le, phrase. Le vagabond est défunt, ce n'est pas possible. Il est défunt. Le vagabond est défunt. Il n'est plus de ce monde. Non, c'est pas le vagabond. Non, il s'appelle pas le vagabond. Il s'appelait comment? Dites-moi. Dites-moi. Horace. C'était quand j'étais humain avant qu'on me reconstruise en robot. C'était mon frère. Il m'avait fait la tête. Et je ne l'ai revu qu'une fois. Et après, je ne l'ai plus revu. Glissons sous une barque. Nous enfonçons dans les méandres de la rivière qui borde Little Hope, là où tout se meut, là où nous ne pouvons rester car nous sommes étrangers, nous sommes des invisibles, des nuisibles. Par moi. Comment vivons-nous sinon entassés dans des cases d'un jour à l'autre? Ton voisin est différent. Il change. Tout change. Et pourtant, pour nous, parce que nous sommes restés au dehors, hors de ce fracas de bio, de tech, de horla, de ruche, tout cela qui semble vivant, nous avons glané des masques pour nous protéger de l'emprise. Nous les avons portés un temps pour nous glisser dans la ville. Nous avons vécu des guerres de désinformation, des factions qui s'affrontent dans la ville monde. Mais loin de celle-ci, en marche, au-delà de la rizière qui alimente la ville, loin de la rizière qui alimente la ville, dans la quiétude du marais. Dans une arche improbable qui nous protège, ceux que nous comptons comme frères et sœurs. Il y a Petite, il y a Horace, il y a Pierre. Ils sont là. Nous sommes là. À l'entrée du marais, il y a une vieille carcasse de l'un de ces artifices de combat que nous avons vu au cœur de Little Ho. Et moi, le petit Albert, je place avec espoir la boîte noire et souillée qui clignote sans arrêt et qui nous raconte des histoires, en espérant qu'elle pourra protéger l'arche, protéger mes amis, comme jadis son ami Pierre, le maticule de 28, protégeait les pêcheurs de Little Ho. Et la boîte, il y a un déclignotant de la boîte qui s'éteint. De quelle couleur était le clignotant ? Il était vert, ensuite il est devenu orange, ensuite rouge. Et il s'est éteint. C'était le seul clignotant ou il y en a plein d'autres ? Il y en avait encore quelques-uns. Il y avait celui de la décharge. Je présume que ce n'est pas perceptible s'il n'y en a que quelques-uns. J'en s'en rends pas forcément compte. Exemple, si tu regardes un moniteur avec plein de boutons et plein de lumière, tu vas pas te rendre compte qu'un s'éteint. Non, on va s'en rendre compte parce que celui-là était très gros. Du coup, je m'adresse à toi. Pourquoi le voyant s'est éteint ? Allô ? C'est quoi ce mot d'ailleurs ? Allô ? Je suis bizarre. Y a-t-il une prise dans la ville ? Les machines dans la ville, quand les trop vieux, ils se parlent entre eux et qui prévoient leurs trucs, quand ils nous envoient nous chercher des trucs dans la gadoue. Tu te souviens, Tess ? Ils placent leur oreille contre le mur de la cellule et là, le mur, il leur englobe l'oreille. Et il leur mâche les mots dans l'oreille. Et ils parlent dans un combiné. Et ils disent « Allô ? Allô, allô ? Moshi, moshi ? Moshi ? Moshi, moshi ? Toi aussi, tu fais moshi, moshi ? » Je n'ai plus de batterie. C'est quoi de la batterie ? Et tu vois tous les voyants s'éteindre. J'appuie sur le bouton rouge. Et là, tu vois que ça marche plus, que le bouton tombe. C'est pas moi, j'ai rien cassé. C'est pas moi, je vous jure, il est tombé tout seul. Mais il est plus là, alors ? Si. Mais plus dans le robot. Je suis plus là. Mais je suis là à la fois. Où es-tu, alors ? Et vous entendez plus du tout la voix, vous voyez la machine qui coule. Il lui reste plus que le bouton dans la pièce de Tess. Et t'entends toujours le au revoir dans ta tête en te souvenant. J'ai tout cassé. On en fait quoi du bouton ? Je sais pas, faudra demander. On l'enterre ? À Petite ? On l'enterre, on le donne à Petite, on le vend, on le mange. Peut-être que Petite saura, elle, ce qu'était la boîte. Ce Léo, la boîte. Hé, hey, Petite, on a trouvé quelque chose. Et vous voyez Petite s'en aller. Et tu vois qu'il n'y avait plus le bouton dans tes mains. Il avait disparu. Il est où le bouton ? Oh non, j'ai perdu le bouton. Et là, tu vois le bouton dans les mains de Petite et elle sourit. Les jockeys. aussi, vous voyez aussi le fusil dans le dos de Petite. Que cette boîte, c'est